Mais je pense que la ville de Malartic doit aussi là, être quand même vigilante à avoir des négociations écrites advenant le départ d'Osisko, même si le projet continuait, là, puis c'était une autre compagnie qui arrivait dans le décor. Ça nous prend des garanties écrites pour la ville de Malartic.